Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, un mot a retenu votre attention et même vous a frappé. Punitif. Vous l'avez sûrement aussi entendu et dans la bouche de plusieurs candidats à la présidentielle, cela fustigeant notamment l'écologie punitive pour lui préférer une écologie d'espoir ou positive. Ça, par exemple, c'est pour la version Valérie Pécresse. Mais peu importe de toute façon ce qu'on lui substitue, tout l'enjeu est dans ce refus du punitif. Refus qu'on retrouve d'ailleurs, ailleurs, voire partout. L'important, c'est surtout de ne pas être puni et de déculpabiliser. D'une certaine manière, rien de nouveau sous le soleil, ce mouvement s'inscrit bien dans une longue tradition pour repenser la peine, celle-ci ne devant pas prendre la forme de la punition, mais de la correction et de la réparation. Difficile sur le sujet de faire mieux que Michel Foucault et son Surveiller et punir, toujours en tête des citations de Cagnot à ce propos, mais à raison d'ailleurs, car dès le début de son livre, il souligne la modification de ce qu'il appelle l'économie du châtiment. Modification du châtiment qui prend quelle forme selon Michel Foucault ? Expliquez-nous, Géraldine. Eh bien, cette forme-là, dès la fin du XVIIIe siècle, le spectacle punitif type supplice des corps en place publique, il faut lire le début d'ailleurs de l'écartèlement dans Surveiller et punir, eh bien, laisse place au redressement caché, à la fois à l'intérieur des prisons et des corps, autrement dit, la peine des uns n'est désormais plus visible par d'autres, mais intériorisée par tous. De là, cette thèse de Foucault, en forme de paradoxe, l'absence visible de punition ne signe pas la fin de la punition réelle, loin de là. Elle signe même sa généralisation. Ce qui soulève alors cette question, et j'en reviens à mon sujet, Guillaume, si on n'en finit jamais avec la punition, pourquoi soutenir qu'on veut malgré tout en finir avec le punitif? Qu'on veut finalement punir le punitif. N'est-ce pas seulement une naïveté, une flatterie électoraliste, mais pire, un non-sens. Il y a dans la justice moderne et chez ceux qui la distribuent une honte à punir qui n'exclut pas toujours le zèle. Elle croît sans cesse sur cette blessure. Le psychologue pullule et le petit fonctionnaire de l'orthopédie morale. Ça, c'est pour la citation de Cagneuse, ou de Cagneux, hein, ouais. Puisque c'est vous qui l'avez lu, Guillaume, fan de Foucault, et qui dit très bien ce qu'elle veut dire. Il y a beau avoir une honte à punir, et Foucault de préciser que les juges ont beau être libérés, je cite, du vilain métier de châtier, reléguant tout ça à d'autres, par exemple donc aux psychologues, tout ça n'empêche pourtant pas et en rien la punition. Et quelle que soit sa forme d'ailleurs, hein, sentiment, condamnation, sanction. Pour le dire autrement, on ne pourra jamais en finir avec la punition. Voilà, et d'où ce problème, pourquoi vouloir alors en finir avec la punition? Dans la mesure où la punition ne fait que se transformer, se diffuser, s'intérioriser, mais jamais s'arrêter, qu'est-ce qui fait que pourtant, en finir avec le punitif sonne encore comme une idée séduisante, et sonne encore dans la bouche et dans la tête de ceux qui le clament comme une promesse d'avenir? Alors je sais bien que personne n'aime être puni, que a priori peu de gens doivent apprécier en punir d'autres, sauf vous, peut-être Guillaume, vous venez de le voir. Non, je crois qu'il y a des gens, je vous en parlerai quand vous serez plus âgé. Donc, je dis en général, je parle donc en général, et que c'est donc bien là que se situe la séduction. Mais le fait est pourtant frappant, plus on veut en finir avec le punitif, moins on en finit avec la punition, plus est brandi cet argument de la fin du punitif, plus se joue en fait une réactualisation de la punition, et souvent en pire. Ce n'est donc pas la punition qui est devenue un enjeu réel dans nos sociétés, elle l'a toujours été, mais c'est l'usage de son adjectif qui est devenu un enjeu rhétorique, un slogan qu'on balance, sûrement pour se déculpabiliser tout en sachant qu'on a quand même bien quelque chose à se reprocher.